Transformation. Transformation est une émission qui fait l'apologie de Jésus-Christ par le témoignage des enfants de Dieu qui ont été transformés au lendemain de leur rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. L'émission Transformation vous donne l'opportunité de partager le changement survenu dans votre vie depuis que Jésus la contrôle. Transformation pour dire en cœur, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Production, Fréquence Vie. Présentation, Prisca Aïman. Shalom à tous, bienvenue à l'émission Transformation. C'est une émission qui fait l'apologie de Jésus-Christ. Par le témoignage des personnes qui l'ont reçu, des personnes qui sont prêtes à venir rendre témoignage, c'est très important. Et en ce jour béni de l'Éternel, nous recevons une femme qui a souffert. En tout cas, son témoignage frise, frise véritablement des, l'extraordinaire. Et il y a des scènes surréalistes que nous allons en réalité entendre, voilà, on ne pourra pas voir ces scènes, mais dans la description, on va vous donner une idée de ce qu'elle a vécu, l'enfer qu'elle a vécu, comment elle a été maltraitée, comment le monde des ténèbres s'est moqué d'elle, comment le monde des ténèbres véritablement en a fait sa proie. Mais l'Éternel est vivant et l'Éternel l'a secourue. Et c'est pour cela qu'elle est là, en ce jour béni de l'Éternel, pour rendre témoignage même. Voilà, au moment où elle va rendre ce témoignage, elle n'est pas totalement guérie. Mais par anticipation, voilà, par anticipation, le Seigneur fait les choses. Elle a été étreinte par cette volonté, par ce désir-là de venir rendre témoignage. Et je lui sais gré pour cela. Et puis, c'est sa foi qui est en action. Alors, bonsoir, bonsoir. Tu vas te présenter. Bonsoir. Moi, c'est Madame Guédé, née Nyonogou Marie-Thérèse. Mm-hmm. Je suis natif de la sous-préfecture de Zoukoubé, village Gorodi. Mm-hmm. Je suis Nyamboa, j'ai 5 enfants. C'est ça. Guédé Edwige Vanessa, Guédé Grâce, Guédé Ange Thierry, Guédé Christian et Guédé Kelly Marie. Ok. Mon mari, c'est M. Guédé Mathias. Nous sommes à Boboudoumé. Mm-hmm. Vous êtes à Boboudoumé. Oui. Et vous priez dans quelle église? L'église La Fondation Vivante. Mm-hmm. La Fondation Vivante. Oui. En anglais, c'est Living Foundation International. Yeah. Voilà, donc c'est certainement la Fondation Vivante Internationale. Bon, quelque chose comme ça, voilà. C'est à Boboudoumé. Oui. Alors, tu as cité tu as cité les noms de tes enfants. Ange Thierry, même est là. Oui. Ange Thierry, bonsoir. Bonsoir, maman. Voilà, tu vas bien. Hein? Oui, ça va. Ange Thierry est un enfant formidable, vous allez comprendre pourquoi. Oui. C'est un enfant formidable, un enfant qui véritablement a secouru aussi sa mère qui l'a assisté. Mmh. C'est pour cela qu'il est là aussi, va aussi apporter son témoignage dans le témoignage principal qui est celui de sa mère, Madame Guédé, née Nyonogou Marie-Thérèse, que nous recevons en ce jour béni de l'Éternel. Mmh. Alors, en chérie, pour le moment, tu ne vas pas parler, mais on va parler d'abord voilà, avec ta mère. Okay. Voilà ta mère. Alors, on va parler des croyances de la famille, chez le père. Bon, mon père, c'est un grand chansonnier et il fait la danse. Le mas, c'est le baïegla. C'est comme un griot. Mm-hmm. Il chante les louanges, les trucs anciens, tout ça, de la famille. C'est ça, c'est un chansonnier. Donc, c'est un chansonnier. D'accord. C'est comme un parolier aussi. Oui, c'est comme aussi un griot. Oui, un griot. Parce que toutes ces choses-là, ce sont des choses voisines. Il est chansonnier, voilà, il est parolier, voilà. Il fait partie d'une famille de danseurs de masques. Hein.